En samedi, nous t'es allé jouer au Printania. C'était bien, on a toute chaîne qui t'a qu'à jouer. Sans mentir, t'es ni musique et t'es ni belle femme. Moins dix coups que coups de feu, moins fait en gamine. Oh, qu'est-ce que la vie n'y attaque en titango. C'était vraiment un tango pour les amoureux. Tout le monde t'es à cadencer, moi vini attaquer. Mais par malchance, moi tombé à son madré. Morceau la fini vini pour nous bisser. Moi dis, chère dame, voulez-vous venir danser? Il restait, il gardait moi d'un air bien bizarre. Il dit, moi monsieur, ma pied me font mal, j'ai là. Mademoiselle, voulez-vous danser ce tango? Oh non, messieurs, pour l'amour de moi, j'hélas, ma pied me font mal. Eh oui, mademoiselle, venez danser ce tango. Écoutez, monsieur, quand j'ai dansé la tango, je me sens tout vous dire, je suis l'envie de forme. Quand à la belle école dit le vendredi saint, le samedi Gloria et le dimanche pas. Mais seulement il trappe en licence, il diplômé de la faculté de Mana. En samedi, nous t'es allé jouer au Printania. C'était bien, on a toute chaîne qui t'es qu'à jouer. Faut moins faire un gamin. Orchestre la vie n'y attaque en titango. C'était vraiment un tango pour les amoureux. Tout le monde t'est déjà dansé, moi vie n'y attaque. Mais par malchance, moi tombé à son mari. Morceau a fini, vini pour nous bisser. Moi dis, chère dame, voulez-vous venir danser? Voulez-vous danser ce tango? Oh non, monsieur, pour la moment, j'hélas, ma pied me font mal. Eh oui, mademoiselle, venez danser ce tango. Écoutez, monsieur, quand j'ai dansé la tango, je me sens tout vous dire, je suis l'envie de forme. Quand elle a fait l'école, il est vendredi.